Est-ce qu'un humain peut même fuser pendant 6 heures ou plus, continuellement, c'est-à-dire la nuit, et par le fait même éviter le sommeil traditionnel avec ses rêves qui nous amènent dans l'astral? Oui. Après une telle memphisation qui demande de l'effort, le corps physique en sort-il aussi reposé que dans le sommeil traditionnel? Si on memphise convenablement ou si on fait juste faire des perceptions memphies et des contractions memphies sans mouvement memphie, oui. Quel serait l'avantage de memphiser toute la nuit? Bon, la memphisation, c'est l'orchestration de la conduction nerveuse par le mental de façon à parvenir à contrôler le corps physique, d'où memphie mentale physique. Et lorsque le mental a la capacité de communiquer avec le corps physique régulièrement, il désassujettit lentement et progressivement, donc, l'ego, l'âme, de sa capacité hypothalamienne et thalamienne, donc, de sa capacité de communiquer avec le corps physique par le biais du système endocrinien et aussi par le biais d'un interpréteur actionnel de type yin qui va amener de l'énergie vitale à certaines parties du cerveau, permettant au cerveau de se dépolariser de façon à engendrer une locomotricité physique. Lorsque le mental prend le contrôle du corps physique avec les méthodes de contrôle memphie, lentement, l'ego n'a plus les capacités de s'exprimer, ne pouvant plus s'exprimer. Il ira quand même rêver dans le monde de la mort, sauf que le mental, continuant à conserver le contrôle du corps physique pendant le sommeil, ne l'assujettissant pas au processus de digestion réincarnationnelle qui va se faire aussi pas pendant le sommeil, dans le monde de la mort, le mental va lentement obliger l'ego à se dissoudre, donc à s'en égoïser, c'est-à-dire que l'ego, ne pouvant même pendant le sommeil s'exprimer par le corps physique, ne pourra pas écrire ce qu'il est pour le relire par les voies thalamiennes. Donc, lentement, il sera désassujetti d'une des deux lois qu'on a nommées au début. C'est-à-dire qu'il y avait l'alimentation, l'ego a besoin de s'alimenter et l'ego a besoin de s'exprimer. Il ne peut pas s'exprimer, donc il ne peut pas reconnaître qu'il est là. Ce qui va déjà l'annihiler lentement, l'orgueil tombe, et ne pouvant s'exprimer et ne pouvant se nourrir de l'expression, il va lentement oublier ce qu'il est. Ce qui fait que lentement, le corps physique finit par se dissocier de l'évolution de l'animal humain, l'évolution endocrinienne, l'évolution sécrétative, et il va commencer un processus d'évolution qui est beaucoup plus relié à l'intelligence. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, l'évolution venait du bas vers le haut, système sexuel, kundalini, etc., le long de la colonne vertébrale, jusqu'à un carrefour d'énergie coronale, qui maintenant ouvert, et il est ouvert chez toutes les personnes qui sont ici, il est ouvert chez la majorité des habitants de la planète. Ce centre coronal ouvert attire maintenant l'intelligence supramentale, l'évolution se fait du haut vers le bas. Lorsque l'individu memphise suffisamment, il s'en égoïse et il donne de plus en plus le corps physique en contrôle mental. Alors nécessairement, l'individu qui fait cette pratique pendant son sommeil ou la nuit, au lieu de se coucher, il peut le faire assis, il peut le faire même debout. Lorsque j'étais jeune, il m'est déjà arrivé à un moment donné, en développant certaines techniques, de quitter un emploi, un camp de vacances en pleine journée parce que je pratiquais cette technique de sommeil réveillé. Alors j'ai fait de l'autostop jusqu'à Montréal et je me suis réveillé dans la maison chez moi. Quand les patrons ont appelé, ben, je leur ai expliqué. Ils n'ont pas voulu me croire. Ils n'ont pas cru? Non. Mais est-ce que tu te reposes? Est-ce que le métabolisme physique descend suffisamment puis le taux d'oxygénation au cerveau, tout ça comme dans le sommeil pendant la méditation? Non. Pendant la memphisation, le corps peut se refroidir. Maintenant, si l'individu travaille la perception memphie, le corps physique aura tendance... L'individu percevra de la chaleur, même si le corps physique n'augmentera pas sa température, mais ne baissera pas non plus. Un individu qui memphise et qui resconise, donc qui travaille une respiration consciente, en même temps peut augmenter sa température corporelle, ce qui est utile l'hiver, ce qu'on pratique un peu dans l'Himalaya quand on s'amuse à faire des combats de serviettes. Ramener des serviettes dans l'eau, puis celui qui en fait sécher le plus. Chacun sa manière d'évoluer. Alors, donc l'individu peut augmenter ça. Maintenant, par contre, la memphisation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle désassujettit l'ego du corps physique et le sommeil est simplement l'expulsion temporaire de l'âme dans le monde de la mort. Cela repose l'âme et cela repose le corps. Un individu qui est en méditation, par exemple, prenons l'exemple, oui, c'est ça, exemple. La méditation transcendantale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle oblige la pensée à se concentrer sur une forme orale particulière qu'on appelle un mantra. Et lorsque l'ego est totalement écœuré de devoir continuellement se nourrir uniquement de cette forme, de ce mantra, il sort par le canal réincarnationnel et il s'en va se promener. Donc, l'individu se retrouve avec un corps physique, exempt d'ego, avec une âme qui, dans l'apparence immédiate, est pure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'émotion, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de désir, bien que tout est potentiellement là, ce n'est plus là. Et l'individu se retrouve centré sur absolument rien, c'est-à-dire qu'il se retrouve centré sur son ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée n'étant pas déployé est dans le plan moronciel, donc l'ajusteur de pensée n'amène comme information que de l'énergie à l'individu, amenant que de l'énergie à l'individu. L'individu n'a pas de pensée, l'individu n'a pas de savoir instantané, l'individu n'a pas de ce genre de choses. Par contre, l'individu aura un repos, c'est-à-dire que le corps physique qui a été têté en énergie vitale, le plan moronciel étant un plan d'énergie vitale, pourra se restructurer. Alors, 20 minutes de méditation transcendantale le matin et le soir élimine une grande quantité, une grande nécessité, un grand besoin du sommeil. La magnétisation amène l'ajusteur de pensée. Bon, il y a différentes techniques ou différentes méthodes qu'on peut juxtaposer à la magnétisation, où l'individu, en plus de parvenir directement au même phénomène que la méditation transcendantale, sauf qu'au niveau magnétique, tu peux le faire en courant, tu peux le faire en travaillant, tu peux le faire en marchant. Tu n'as pas besoin d'omnibuler ta pensée, tu peux continuer à avoir une parole. Alors que dans la méditation transcendantale, ta parole ou comme ta pensée doit résonner sur un mantra. Alors donc, la magnétisation peut donc régénérer le corps physique, le rajeunir, lui donner une espèce de sommeil réparateur qui n'est pas un sommeil, parce que l'individu qui magnifie convenablement n'aura pas besoin de dormir. L'individu totalement magnifique est un individu totalement égoïque, donc un individu totalement immortel, c'est-à-dire qu'il a un double éthérique. Le corps physique peut s'en aller. Si la génétique n'est pas capable de supporter le contact avec de plus en plus de neufs, à un moment donné, qui que ce soit que l'on voudra être, si on n'est pas capable de muter le corps physique, donc de se remettre au monde génétiquement, de renaître, le corps physique, à un moment donné, s'en ira. Et on ne meurt pas, on ne va pas dans le monde de la mort, on va dans le plan moronciel, dans le double éthérique. La magnétisation est la base de... Si on parle de techniques nouvelles, pour l'homme ou la femme nouvelle, nécessairement, la magnétisation, c'est quelque chose qui est de base. Et ce n'est pas parce que c'est une technique que j'ai mise sur au point, c'est simplement parce que c'est logique que le mental prenne le contrôle du corps physique pour le désassujettir de la communication de l'ego, de la psychologie, donc de l'astral, qui présentement oblige le corps physique à vivre une évolution sécrétative, l'évolution lunaire, l'évolution de l'animal humain. Daniel, veux-tu m'expliquer ce qu'est la polarité chez l'homme? Est-ce utile ou souhaitable ou à bannir? Bon, polarité, c'est une dualité entre deux constituants. L'homme est biologiquement positif, la femme est biologiquement négative. L'homme est vitalement négatif, la femme vitalement positive. L'homme aura donc besoin de sexe, besoin d'énergie vitale. La femme, elle est astralement négative, l'homme est astralement positif, la femme aura donc besoin d'affection. L'homme est mentalement négatif, la femme est mentalement positive, donc la femme a forcé l'humain, le mâle, à créer de l'esthétique, à refaire les maisons, à se lancer en science. Parce que la femme chiale que le bonhomme finalement répare la maison, range les meubles, etc. Au niveau supramental, les deux sont de même polarité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de polarité dualitaire. La polarité, du point de vue thérapeutique, c'est la capacité de se servir de deux énergies yin et yang, parce que jusqu'à là, la tradition ignore totalement la troisième énergie, qui est l'énergie ominale, qui est l'énergie qui est créée par la respiration intercostale de l'humain, et qui est captée par la partie médiale du nez, en expiration comme en inspiration. Est-ce que, du point de vue du travail, on doit se servir de la polarité? Il y a, au niveau de la thérapie, des techniques neuves aussi qui doivent être amenées. Nous devons parvenir, ça se fait par quelques individus, nous devons parvenir à la guérison par le contrôle de la parole. Et non plus par l'échange d'énergie, qu'on appelle aussi la polarité. L'échange d'énergie fait que nous donnons un peu de notre énergie. En réalité, on ne donne pas grand-chose. Mais on doit mobiliser suffisamment d'énergie pour obliger l'énergie de l'autre à vibrer selon la nôtre. Si notre main est en santé et que la sienne est blessée, l'énergie vitale de sa main, si elle se retrouve, la main sera guérie. Et pendant la puissance d'orchestration du polariseur, du thérapeute, on aura une guérison lente ou instantanée. La problématique, c'est que si mon énergie au contact de la vôtre change la vôtre au contact de la mienne change la mienne. La majorité des guérisseurs finissent par devenir malades et mourir des maladies de ceux qu'ils ont guéris. On appelle cela l'effet de retour. Celui qui contrôle convenablement la voix a la faculté de mobiliser l'énergie de l'autre, de faire de l'acupuncture à distance sans aiguille, avec l'aide de l'autre, et de contrôler donc, de contrôler magnifiquement le corps de l'autre, l'interpréteur actionnel de l'autre, et d'obliger une guérison dans l'autre, sans qu'il y ait eu d'échange ou de contact autre que par la parole. Lorsque l'individu contrôle encore plus la voix, il a la faculté de contrôler son propre corps physique. Contrôlant son propre corps physique, il finit par être capable de contrôler l'interpréteur actionnel d'un autre corps physique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un interpréteur actionnel, c'est ce qui interprète la pensée pour la communiquer en action dans le corps physique. Lorsqu'un individu a une voix suffisamment contrôlée pour être capable de bouger l'interpréteur actionnel d'un autre, il n'a qu'à dire « guéri » et l'autre est guéri. La polarité, cela fait partie des mécanismes archaïques de correction vitale. Et évidemment, quand un ego se plaît d'être polariseur, quand un ego se plaît de jouer avec ça, il refuse le neuf, il refuse ce que je dis. C'est l'école élémentaire. Quand j'arrive à contrôler l'expression égoïque dans une situation où je n'y arrivais pas, suis-je plus mental ou c'est mon ego qui est plus restreint? Si l'ego est plus restreint, nécessairement le mental est plus libre. De toute façon, chaque fois que le mental est plus fort, l'ego est plus restreint. Quel est le moyen de vérifier si mon ego a perdu définitivement la possibilité d'exprimer une dépendance à une personne ou à une situation sans s'illusionner? La question ne se pose pas, ça ne vaut pas la peine de la poser. La réponse serait, trouve-toi quelqu'un auquel tu pourrais t'attacher et être dépendant. Si tu te fais ramasser, c'était pas fait. Si tu te fais pas ramasser, c'était fait. Sauf que c'est initiatiquement pénible et dangereux. Ça ne vaut pas la peine. On continue à faire ce qu'on fait et on passe. L'idée, c'est que l'ego a besoin continuellement de savoir où il en est. S'auto-vérifier, s'auto-évaluer. Est-ce que je suis suffisamment évolué? Comme disait un vieux maître à un vieux disciple, tant que tu poses la question, non. Plus de questions posées. Qu'est-ce qui a muté ou évolué quand je suis fatigué à en pleurer et que mon corps ne peut plus s'exprimer? Quand on est fatigué à en pleurer, c'est que le corps physique n'a plus la capacité de supporter les agressions astrales. Donc, toute l'énergie qui est communiquée par le corps astral par le biais d'interpréteurs actionnels, on parlait tout à l'heure d'interpréteurs yéniques qui communiquent au niveau vital, lorsque le corps physique n'a plus la capacité de rien endurer, toute cette énergie-là doit être sécrétée, non plus par des glandes endocrines, mais commence à être sécrétée, donc à être communiquée, à être exprimée par des glandes exocrines. Il peut y avoir donc énormément d'accélération digestive au niveau du péristaltisme. Il peut y avoir plusieurs phénomènes et aussi les larmes. Le corps physique en peut plus. Il demande à l'ego de, catholiquement, lui laisser la paix. Qu'est-ce qu'un être contrôle? Un être contrôle, c'est quelque chose qui, dans le monde de la mort, a la faculté d'interdire votre canal réincarnationnel à des mémoires et d'en autoriser d'autres. Un être contrôle a aussi la faculté, dans certains cas, d'être le gestionnaire d'une transposition d'une arme en évolution, une arme trop pure, pour, s'il y a, par exemple, accident, agression au niveau du corps physique, l'être contrôle a la capacité de chercher un individu qui veut se suicider, d'extraire l'arme à l'intérieur du corps physique, de conserver le corps, donc d'animer le corps pendant un laps de temps, d'aller extraire l'arme pure du corps abîmé et de transfuser l'arme pure du corps abîmé dans le corps de celui qui voulait se suicider. Donc, celui qui voulait se suicider meurt, le corps physique ne meurt pas, la famille va lentement se rendre compte qu'il change au gré des mois, jusqu'à temps que finalement l'individu qui avait une âme trop pure, du corps physique trop abîmé, soit maintenant totalement réincarné dans le corps physique de celui qui voulait se suicider. C'est un exemple de travail de l'être contrôle. L'être contrôle a aussi la faculté d'obliger. Il peut être assujetti, c'est un être qui est belzébuthien, c'est-à-dire un être vital, un être tellurique, c'est un être exécuteur. Il est régi par les forces sataniques, régi par les forces astrales, régi par les forces mentales ou par la force supramentale. Autrement dit, plus la force qui le régit est puissante, plus il est obligé d'exécuter les ordres de cette force. Est-ce qu'il peut être régi par les ordres luciférianes aussi? Absolument. Donc, lorsqu'à un moment donné, l'intelligence décide de travailler avec des êtres contrôle, elle peut obliger des réincarnations qui ne sont pas en affinité avec le corps physique. Autrement dit, vos ondes de forme ne sont pas prêtes, vos attitudes ne sont pas prêtes, sauf que l'être contrôle manipulé par l'intelligence supramentale sera capable d'obliger des réincarnations chez vous qui vont vous transformer. C'est normalement ce qui va arriver lorsqu'un individu réincarne des mémoires de... des mémoires sur une quantité suffisamment globale de mémoires de personnalité du passé. L'exemple de Jésus, l'exemple de Jean le Baptiste, l'exemple de certains apôtres, l'exemple de Siddhartha Gautama, l'exemple de différents personnages. À un moment donné, le corps physique n'est pas tout à fait endoformiquement prêt à recevoir la réincarnation, sauf que l'être contrôle aura la capacité de l'obliger. Donc, il va injecter ses mémoires dedans et l'individu devra se démerder pour les digérer ou se faire digérer. Qu'est-ce qu'un être de lumière? Un être de lumière, c'est un être qui est totalement terrifié et qui, normalement, terrifie ceux qu'il voit. C'est un être qui... c'est un double éthérique. Les êtres de lumière du passé étaient des double éthériques qui ont été terrestrifiés. C'est devenu des guides spirituels, c'est devenu finalement des humains. Mais c'est un double éthérique fusionné avec un corps? Non, le double éthérique, oui, puis non. C'est que si on a un corps de lumière, on a donc un double éthérique fusionné avec le corps. Quand on parle d'être de lumière, il y a plusieurs choses qu'on peut donner. Un être de lumière, c'est simplement une forme, donc un concept, une forme qui est plus rayonnante que ce que nos yeux sont habitués de mémoriser. Alors, on a différents phénomènes d'être de lumière. Je parlais de guide spirituel, on a aussi le double éthérique. L'individu qui meurt, qui gagne le monde de la mort, va voir du monde de la mort descendre des guides de lumière, donc des êtres de lumière, dépendant s'il veut appeler ça guide ou être. Et ces personnages sont les corps vitaux des individus qui ont gagné le monde de la mort et qui sont morts. Ils viennent le chercher pour lui indiquer le chemin. Celui qui est suffisamment évolué ne suit pas ce chemin des guides de lumière, donc de ces êtres de lumière, parce qu'il reconnaît son double éthérique beaucoup plus lumineux et il va aller se cacher dedans. Je parle spirituellement, évidemment. Je fusionne avec. Maintenant, si on parle d'un être de lumière, en ce sens, on parle d'un fusionné. C'est un être humain qui a un corps physique dans lequel vient habiter le double éthérique. Donc, c'est un double éthérique totalement constitué. C'est un corps de chair qui est totalement anégoïque, qui n'a plus d'ego, donc totalement anémotif, qui ne vit que du sentiment. Et le double éthérique s'est maintenant fusionné avec le corps de chair. Comme c'est arrivé dans certains cas du passé, le plus connu, c'est celui du Nazaréen. Quoique c'est après la mort du corps, et on appelle cela amener son corps avec soi à sa mort, il y en a d'autres aussi qui l'ont vécu. Alors, lorsqu'on parle d'un être de lumière, ça peut être aussi ce genre de personnage qui est simplement un corps physique totalement éthérique, qui a donc la capacité d'apparaître, de disparaître, d'être à plusieurs endroits en même temps, etc. Qu'est-ce qu'un être humain divin? Un être humain divin, ça ne se peut pas. Voilà. Qu'est-ce qu'un être divin? Un être divin, c'est un être qui n'est pas humain. Un être humain, c'est la partie terrestrifiée de l'être divin. Un être humain, c'est quelqu'un qui a la capacité d'être jaloux, c'est humain. D'être en colère, c'est humain. D'avoir peur, c'est humain. D'être en maudit, c'est humain. D'être frustré par la température, c'est humain. De ne pas dormir ou de bien dormir, c'est humain. De boire ou de se droguer de temps en temps, c'est humain. Un être divin, c'est pas un être humain. Quand les gens me disent, Monsieur Kem, vous n'êtes pas humain, c'est un compliment. Alors, l'être divin, c'est tout ce que vous savez que vous devez faire, tout ce que vous savez que vous êtes, mais qu'on sait des fois une seconde ou deux par heure. Puis c'est l'être humain qui vient tout envenimer l'affaire au complet. Pourquoi on s'ennuie à un moment donné? Pourquoi on a peur à un moment donné? Pourquoi on est jaloux? Pourquoi on est en colère? Pourquoi on est frustré? Pourquoi on va vite? Pourquoi on oublie? Pourquoi? Ça, c'est l'être humain. Et c'est pas quelque chose à rejeter. C'est la structure sur laquelle va s'appuyer l'être divin. On doit donc la conserver. Mais en même temps, quand on parle d'être divin, quand je dis que le mental doit devenir le dieu de l'ego, c'est l'être divin. Un jour, vous serez vos seuls maîtres. Alors, il y aura l'être divin suffisamment terrestrifié, relié de la conscience supramentale, et peut-être encore un peu d'animal humain, jusqu'au jour où vous vous serez remis au monde. Alors, le corps ne sera plus un corps d'animal. Vous n'aurez plus rien avec la génétique de vos parents, aucune correspondance, et on pourra parler d'un être divin. C'est pas vous qui allez le dire. Vous, vous allez n'avoir rien à faire de le dire. Les voisins vont trouver que vous êtes divin parce que vous allez rayonner. Ils vont venir de temps en temps emprunter un peu de votre énergie. Et vous devrez la vendre. De toute façon, vous saurez pourquoi. Il y a eu dans notre futur, le passé, une 8e race. Parle-moi de leur mode de vie et quel était leur rôle à comparer avec la 7e et la 6e race. Il n'y a pas eu de 8e race. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas heureux dans un appartement serait plus heureux dans une maison? Ben, s'il pourrait être plus heureux dans une maison, c'est évident. Les deux. Est-ce que les techniques corporelles de Feldenkrais et Traeger donnent des résultats similaires à la même fille? Explique la différence. Bon, expliquer la différence, ça ne m'intéresse pas pour la simple raison que vu que vous connaissez les techniques, ce sont des techniques de contrôle corporel, vu que vous connaissez les techniques, c'est à vous de faire la différence. Si vous ne connaissez pas suffisamment même fille, ce sera à vous encore de savoir si ça vous intéresse d'apprendre même fille. Comme lorsqu'on me demande de parler d'individus qui vivent encore, je ne le fais pas. La technique, elle est bonne. Si on me parle de la technique Nado, elle est bonne. Il y a des techniques qui sont ajustées à l'individu qui les crée. Pas une bonne technique sur la planète. C'est ridicule. Il n'y a pas une seule forme de corps physique. Sauf que la technique Menfi est totalement associée au travail que je fais. C'est la seule nuance. Menfi mène à d'autres choses. Un enfant qui a deux lignées familiales vraiment différentes, une nord-américaine, l'autre asiatique, est-il appelé à absorber et à digérer durant sa vie plus d'entités réincarnationnelles qu'un enfant à lignée familiale provenant d'une même souche? Non, par contre, son expérience sera plus planétaire. Quelle sorte d'entité réincarnationnelle cet enfant attire-t-il? Seront-elles attirées par l'aspect bigénétique différent de l'enfant ou plutôt par l'aspect tellurique de sa location? Par les trois, l'aspect génétique, l'aspect tellurique. Les trois? Oui, parce qu'il y a deux telluries, c'est-à-dire qu'il y a une tellurie, okay. Puis il y a deux génétiques. Certaines entités asiatiques réincarnationnelles peuvent-elles peuvent-elles prendre part à l'intérieur du corps, ne pouvant s'ajuster à ce que l'enfant doit et s'exprimer le soir dans des rêves engendrant la peur chez celui-ci? Ça, c'est évident. Il y aura une guerre, il risque fortement d'y avoir une guerre chez le jeune pendant un laps de temps, jusqu'à temps qu'on aura été capable de camoufler astralement totalement l'enfant de la génétique auquel on veut le couper. Un voyage en Asie une fois dans sa vie est-il à conseiller, voire essentiel pour digérer, intégrer à jamais ses réincarnations? C'est une chose que l'enfant saura en temps et lieu. Son entourage immédiat peut-il lui aider ou doit-il se faire sa démarche seul? De toute façon, il l'aide. Suis complètement étranger à ton personnage. Où te situer? Point d'interrogation. Malgré ta grande pertinence, par moment, n'extrapoles-tu pas? Non. Et étranger à mon personnage, bien ça, il n'y a aucun problème. Où me situer? Situez-moi donc pas. Ça va être beaucoup plus simple. Si toute expression est une excrétion, la création est donc une excréation. Un mot là. Tu dis toujours que cette excrétion est un accident. Et tu es le seul qui dit ça. Comment, si Dieu était la tête de l'homme et donc Anitou, a-t-il pu créer un accident accidentel? Dieu n'a rien créé. Il fait partie de la création. Et je suis le seul qui le dit. Ça ne change pas grand-chose. Quelqu'un qui s'était fusé s'était penché. On peut dire que Dieu s'est penché et qu'actuellement, il se relève. S'est-il penché pour ramasser la création qui l'a échappé ou si c'est de s'être penché qui est la création? Si oui, pourquoi s'est-il penché dans un premier temps? Dieu fait partie de la création. Dieu ne fait pas partie de la solution. Pourquoi cette terminaison en « o » comme « mentalo », « musculo », ce langage, il veut dire quoi? « O ». Ben, c'est sûr que si on dit « mentalo astral », ce langage, il veut dire quoi? C'est un langage tout à fait français qui provient des racines latines. Alors, ça veut rien dire. Ça veut dire « mental » et « astral ». Et en français, eh bien, on a des façons, à un moment donné, de communiquer la langue. Si nous disons « surélevé », on devrait dire à la place « très élevé ». Ben, « surélevé », c'est aussi français. Alors, « mentalo-astral » ou « astralo-mental » ou etc., c'est un peu la langue française. Est-ce que l'abréviation des mots empêche l'ajustement de la parole? Exemple, « prof » au lieu de « professeur ». Est-ce une paresse ou une mode? C'est une paresse neuronique. C'est une mode parce que, de toute façon, l'humain est collectif. Et on ne doit pas se permettre ce genre de langage, qui existe dans toutes les langues d'ailleurs, on ne doit pas se le permettre. Plus on aura la capacité d'employer les mots justes pour définir des choses, plus la parole ajuste la pensée. Alors, plus on aura une parole claire, plus on aura une pensée claire. Et finalement, on aura suffisamment de clarté à l'intérieur pour être capable de différencier, de discerner ce qui ne doit pas rester de ce qui doit rester. Pourquoi donner un Dieu à mon âme? Est-ce avec un petit D ou un grand D? Avec un grand D. Dans le moment, je trouve que j'en ai de reste à secourir l'ego. Si en plus il faut sécuriser l'âme, c'est du stock. Ben oui, c'est du toc. C'est du toc, avec un S. Ah ben c'est du toc aussi. Qu'est-ce que je peux donner à cette âme pleurnicheuse? Des Kleenex. C'est que l'évolution de l'homme se fait encore par l'âme. Et lorsque l'âme essaie de devenir le mental, ce qu'elle ne fera jamais, lorsque l'âme essaie de se prendre pour le supramental, ça lui parvient. Elle se prend pour, elle ne devient pas. Et elle essaie continuellement de régler ses problèmes en fonction d'elle-même. L'âme, c'est de l'essence. De l'essence qui ne s'évapore pas. Alors, on doit mettre le feu. Et en même temps, l'essence, qui à un moment donné se prend pour l'air, se dit, qu'est-ce qu'on a à foutre de l'essence? Lorsque l'âme se fout de l'âme, chaque fois que quelque chose chez vous est écœuré de son ego, c'est l'ego. Chaque fois que quelque chose chez vous est écœuré de son âme, c'est l'âme. Ça copie, c'est le mimétisme, c'est expérientiel. Ça accumule de l'expérience et ça s'illusionne d'être. Ayant expérimenté tellement le corps physique, à un moment donné, on se croit le corps. Suivez un artiste pendant 15 ans, puis à un moment donné, vous vous prendrez pour l'artiste. Le gars qui a joué Gandhi s'est pris pour Gandhi. On ne doit pas travailler pour détruire l'ego. On doit savoir que l'ego est quelque chose. On doit savoir que l'âme est quelque chose. Que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on aurait pensé que c'était. Avec ce que les théologies ou les philosophies ont voulu nous donner. Alors, on n'a pas besoin de se poser la question. Oui, mais je dois encore, en plus, donner un Dieu à mon ego. C'est l'ego qui parle, là. Alors non, vous n'avez pas besoin de donner de Dieu à votre ego. Quand je dis cela, je m'adresse au mental. Le mental deviendra le Dieu. Pourquoi? Parce que le mental va être le communicateur. Le mental va être le formateur de l'ego. Le programmeur de l'ego. Le néotypeur de l'ego. Nécessairement, l'ego va reconnaître dans le mental ce qu'il a toujours espéré de ce qu'il attendait de Dieu. Je ne dis pas que vous devez le faire. Je dis que ça va se faire. C'est la religion mentale de l'avenir. Une religion individuelle et pour la première fois, la première religion qui va permettre aux fidèles de se libérer d'elles-mêmes. Mais ça va se faire. Avez-vous pris connaissance des messages de nos créateurs, les Elohim? Lorsque j'étais dans un laboratoire, il y a de cela quelques années, et qu'on travaillait à la création d'un prototype Elohim, il y a effectivement eu des fuites, et les Elohim ont commencé à se promener un peu partout, en instruisant les races qu'ils rencontraient, que c'est eux qui les avaient façonnées. La question fondamentale à ne jamais poser à un Elohim, qui t'a créé? S'il me fait chier en disant « Je me suis créé moi-même », alors je lui répondrai « Moi aussi ». L'extraterrestre doit rencontrer un terrestre extra. Les Elohim, c'est une illusion. Si les Elohim sont l'intelligence que l'humain prétend qu'ils sont, pourquoi n'ont-ils pas rencontré les plus intelligents des humains? La majorité des individus qui considèrent le phénomène Elohim comme étant réel ne les ont pas contactés. C'est une question de foi, une question de spiritualité. Lorsque les égrégores du monde de la mort ne sont plus capables de conserver leurs fidèles sous l'égide d'un Dieu, ils vont les conserver sous l'égide de ce que l'ego a besoin. Quand l'ego commence à avoir une conscience planétaire, cette conscience lentement s'étend au système solaire. C'est la conscience mentale. La conscience astrale, spirituelle, reste reliée au contexte planétaire. Étant donné qu'on a une conscience mentale, donc une conscience reliée au système solaire, nécessairement, on commence à considérer l'extérieur comme étant un pourvoyeur. Et comme les prophéties, on peut les interpréter facilement dans le passé, jamais dans l'avenir, mais quand on regarde par la suite toutes les traces laissées par le passage de phénomènes extraterrestres, ou toutes les traces laissées dans des livres sacrés, en regardant dans le passé, on les interprète à notre façon. Il fut un temps où c'était ceci ou cela. Maintenant qu'on a des fusées pour être capable de mieux conceptualiser les lectures du passé, on parle de soucoupe volante. Tellement inaccessible. Lentement, on se dirige vers le phénomène extraterrestre, et c'est bien, parce qu'il y aura des interventions extraterrestres. J'en ai déjà parlé. Pas comme l'humain pense. L'humain pense en fonction de sa mémoire. Il ne pense qu'en fonction du passé. Il ne peut penser en fonction du neuf, de l'avenir. Et lorsque l'humain doit vivre cette instruction transitoire pour qu'à un moment donné, il puisse recevoir un peu plus d'intelligence, on commence avec des films. E.T., l'extraterrestre, Cocoon, Starman, plusieurs autres. Et la théologie devra devenir intelligente, alors on ira avec des sciences théologiques. Et Elohim provient de la Bible, c'est théologique. Les Elohim relient bien l'extraterrestre à la religion. C'est bon pour la conscience spirituelle d'une grande partie de l'humanité. Et à un moment donné, ils comprendront encore l'illusion et ils s'achemineront vers le reste. Première force d'implantation légale, Jéhovic. Jéhovah, critère énergétique implantant la loi. Elohim précède. Elohim, critère énergétique cosmique, mécanique extraterrestre en ce sens ne provenant pas de la Terre, implanta le véhicule qui, par la suite, sera possédé du virus planétaire qu'on appelle l'âme. Et c'est tout. Jéhovah suit, et par la suite, les forces yaviques. Implantation de l'âme avec une capacité d'amour. Et on pourra en parler longtemps de ces phénomènes archétypaux qui ont prévalu il y a 5, 4 et 3 milliards d'années. En arrière. Avant, aujourd'hui. Qu'est-ce que la conscience? Très brièvement, la conscience est la capacité qu'a un individu de percevoir plus de stimuli et de les analyser plus profondément dans un temps de plus en plus court jusqu'à l'instantané. Puis-je vivre d'intelligence sans en être conscient? Non. La conscience a-t-elle besoin d'un support, exemple l'ego, l'intelligence, etc., pour être consciente elle-même? Non. Peux-tu donner des exemples comment être de plus en plus créatif dans le quotidien, dans le travail? L'être humain ne doit pas être créatif. Être créatif, c'est un leurre de l'ego. C'est un leurre de stimulation qui provient du monde de la mort, qui permet à l'être humain de continuer à se leurrer. C'est-à-dire que dans la créativité, tout ce que l'on peut faire, c'est exprimer notre âme, et non pas notre intelligence, et vivre de désillusions lorsque notre créativité n'est pas reconnue par autrui. Donc, on sécrète, on s'amuse. L'être humain ne doit pas créer, l'être humain doit accomplir. C'est différent. Vous êtes peintre, vous avez une génétique à peindre, vous êtes relié à des mémoires de peintre. Faites de la peinture. Ce n'est pas exprimer de la créativité. C'est accomplir un acte. Les peintures ne se vendent pas, il n'y a rien à foutre avec ça. Les gens ne les reconnaissent pas, ça ne les regarde pas non plus. On a un être humain qui se croit créatif et qui fait tout pour développer sa créativité, il en perd du temps. On a celui qui se fout d'être créatif et qui vit, puis bien souvent, il va théoriquement, si on reparle de créativité, à être beaucoup plus créatif que celui qui veut être créatif. On est ce qu'on est. Soyez-le. Vouloir être créatif, c'est quoi? Vouloir copier autrui? Je n'ai pas le temps pour être créatif. toute ta créativité d'être totalement occupé. Est-ce que tu fais? La créativité, c'est un leurre. Dans n'importe quel domaine de l'évolution humaine, celui qui veut absolument être créatif ne veut que souffrir. Il veut avoir des problèmes. C'est l'ego qui veut être créatif. Qu'est-ce que c'est qu'un ego qui veut être créatif? C'est un ego qui s'illusionne d'avoir la capacité d'intentionnaliser les choses. C'est un ego qui s'illusionne d'avoir la capacité du libre-arbitre. C'est un ego qui s'illusionne d'être capable de mener la vie. Non. Le gars qui invente quelque chose, la fille qui pond une affaire, c'est un accident qu'on dit. Prenons l'exemple de Van Gogh. Prenons l'exemple d'un paquet d'autres. Est-ce qu'ils étaient créatifs? Pourris! Ils souffraient tellement psychologiquement par les manipulations astrales que leur seule façon de s'exprimer était ce que vous appelez la créativité. Si on ne leur permettait pas de faire une peinture, ils se suicidaient. Et on a celui qui, à un moment donné, s'est délecté de l'onde de forme de la peinture et il réincarne un peu des mémoires du peintre. Et là, il se sent créatif. Est-ce qu'il a à faire de la peinture? Non. Sinon, il va en faire. C'est pas à peine de se casser la tête. Celui qui travaille pour aboutir est un animal humain. Il veut absolument passer là où il n'y a pas de sentier. C'est l'évolution lunaire, ce que j'appelle aussi l'évolution méritoire. On veut mériter le ciel. Quand je dis à une personne, quelqu'un me pose la question, « Oui, mais vous, vous avez dû vous pratiquer longtemps avant de ne pas faire des conférences comme ça. » Moi, je réponds « Non, je suis une grande gueule. » Et la personne, « Ah oui, vous n'avez pas de mérite. » Non. Et c'est bien mieux comme ça. Celui qui n'a pas peur n'a pas de mérite. Celui qui a peur et qui contrôle sa peur a du mérite. Moi, je préfère ne pas avoir peur et ne pas avoir de mérite. C'est plus simple. Alors, celui qui agit, celui qui accomplit, n'a pas de mérite. Les peintres n'ont pas de mérite, les sculpteurs n'ont pas de mérite. Léonard de Vinci ne peut pas dormir sans penser à une bébite. C'est un génie. Mais un génie, ça n'a pas de mérite. Vous êtes tous parfaits. Mais l'ego, expérimentant un paquet de choses à l'extérieur, etc., à un moment donné, veut se lancer dans sa créativité. Voulez-vous devenir pauvre? Devenez créatif. Par contre, si vous ne faites qu'accomplir les facilités chez vous, vous avez le crayon facile? Crayonnez. Vous avez le chant facile, chantez. Ça ne marche pas, chantez au travail. Chantez pas dans une salle. La créativité, vous allez vous en servir drôlement mieux lorsque votre mental va totalement être capable de se servir du corps physique. L'intelligence supramentale, elle est presque créative. Mais pas l'ego, l'ego, il veut copier, lui. Alors, je vais absolument écrire un livre, je me lance, j'écris un livre. Ah, c'est la créativité, c'est au bout. Combien de temps, d'énergie je mets là-dessus? Ah ben, je crée. Les éditeurs, ils comprennent rien, les maudits. Mon livre, il reste dans mon garde-robe. Frustration. Ça vous occupait. Le temps que vous voulez être créatif, vous n'évoluez pas. Si tu arrêtais de parler pendant une heure, serais-tu méritoire? Ah, je le fais souvent, mais c'est pas méritoire. Tu dis que la création est un accident. Peux-tu m'expliquer comment est arrivé le bang? Celle d'en bas. Je peux l'expliquer, mais si la personne est frustrée, c'est qu'elle me prouve que j'ai totalement raison. Si elle n'est pas frustrée, c'est qu'à un moment donné, on pourra sans doute en parler. Mais la quantité de mots en langue française que je devrais inventer pour permettre à une conscience actuelle de comprendre ce qui peut créer une espèce de Big Bang. Parce qu'à l'extérieur de la création, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. à l'instant même du Big Bang, le temps apparaît plus 12 autres dimensions qui se résument actuellement dans une quadridimensionnalité que l'on connaît, mais il y a 13 dimensions, il n'y en a pas 4. Et il faudrait donc qu'on explique tout le phénomène de l'intemporalité précédent. Et le mot précédent est faux. Il n'y a pas de temps, ça ne précède pas. Et là, je m'amuserais, ça me plairait. Ce sont dans les conférences spéciales, la personne, elle peut sans doute venir. Dans les conférences spéciales, ça m'intéresse de temps en temps d'en jaser et c'est plus plaisant. Je prends une heure et demie, 2 heures ou 3 heures des fois à dire des choses comme ça, qui n'amènent que de l'énergie finalement à l'humain, parce qu'au niveau des connaissances, c'est pas ça qui fait cuire ta toast mieux le lendemain. Qui sont les entités, les speakers qui s'exprimaient à travers le médium John Bortz? Bon, c'est pas John, c'est Yang, en tout cas. Yang. Il a juste écrit son nom avec un grec, je l'ai prononcé comme du monde. Les speakers, les haut-parleurs, c'est des bas-parleurs. Ce sont simplement les entités du monde de la mort. Le personnage ici avait la possibilité, sous une forme d'hypnose, d'entrer en contact avec les annales akashiques du monde de la mort habituellement. L'annale akashique, c'est la mémorisation plastique d'un événement sans l'émotion, sans la coloration par l'humain. Alors, ce bonhomme-là avait donc la capacité de lire directement dans les annales akashiques ce qui se passait. Et comme c'est presque instantanément inscrit, ce qu'un individu vit comme problème, c'est là. Sous l'effet de l'hypnose, il a la capacité d'attirer des entités qui vont être capables de décoder l'annale akashique pour pouvoir le transmettre sous forme de parole au médium. Comme dans toute forme de travail astral, il y a un prix à payer, qui est normalement la dissolution du corps physique. Le garbo est un guérisseur, il mourra malade, et ça meurt jeune. Même si c'est plaisant et trippant pour l'ego pendant le temps qu'on le fait. C'est pas ça le travail de l'homme. Je suis condamné à perdre mes emplois à 2 ans. Au début, tout va très bien pour ensuite se tourner en queue de poisson, baisse des affaires, vendre la compagnie, etc. Ceci depuis 20 ans. Question. Ah ben, c'est une personne qui est créatrice. C'est quoi le problème? Il y en a pas. C'est une constatation. Moi, je suis un spécialiste du recommencer à zéro. Chaque fois que tout tombe, l'intelligence vient. Je dois travailler. Et à la longue, les choses cessent de tomber. Pourquoi? Parce qu'on apprend à bifurquer avant qu'elles tombent. Et on apprend à être suffisamment instantané à un moment donné pour être un petit peu en avance. Pas 20 ans en avance, quelques heures en avance. Et ça tombe plus. On est dans notre trou. On n'a plus besoin d'être créatif, on n'a qu'à se laisser porter. Et ça va bien. Comme on ne peut pas penser. Or, la personne, elle est présentement en train de se former. Elle a une capacité de reconstruire. Elle doit amener du neuf. Elle doit développer son système neuronique. Elle vit. C'est bien. Y a-t-il moyen de percevoir ces mémoires incarnationnelles avant qu'elles pénètrent dans le corps? Si oui, quel en est le processus? Non. Une fois exprimées dans le corps, on les connaît. Et une fois qu'on les aura parlé, phraséologisé, on saura. Mais sinon, non. Est-ce plus évolutif d'empêcher cette pénétration, ce pillage, ce vol d'énergie ou de les digérer? Bien, si on les digère, on amène suffisamment d'énergie expérientielle, ce qui fait qu'on pourra avoir un double éthérique plus rapidement. On n'aura pas besoin de vivre 300 ou 400 ans de plus. On a l'énergie de ces personnages-là. Par contre, en même temps, vu que c'est de la mémoire et que la majorité des humains se fient pour réfléchir à leur mémoire, comme c'est la mémoire qui rentre, on va se fier là-dessus pensant que c'est nous. Et nécessairement, on devient de plus en plus manipulé par ce qui se réincarne. Jusqu'à temps qu'on les ait digérés. L'observation mentale est-elle suffisante pour le digérer? Est-ce suffisant? Non, l'observation mentale est suffisante pour nous empêcher d'être digérés. Par la suite, la négoïsation, la vie, le contrôle de la frustration, le contrôle de l'émotion, c'est de la digestion. J'ai vu le film « La septième prophétie ». On parle de la réserve des armes qui est entièrement vidée. Des armes qui est entièrement vidée. N'est-ce pas là un exemple de la manipulation astrale? Oui, de toute façon, à un moment donné, le monde de la mort sera totalement vide. Il sera totalement absorbé par l'être vivant. C'est ce que Jean de Patmos dit lorsqu'il dit que les gens voudront se donner la mort et ne trouveront pas la mort. Tu te suicides, t'es immédiatement réincarné. Alors, effectivement, le truc des âmes est vide. On peut l'interpréter de bien des façons, parce que les âmes, c'est pas des âmes qui sont en haut, hein, c'est de la fumée. Mais ça va finir par se vider. Ah, absolument, on va respirer. Bonjour. Un biologiste a inventé un produit qu'il nomme Vitalium. Ce produit révolutionnaire aurait la capacité de régénérer les cellules des grands brûlés et même des personnes irradiées. Selon l'inventeur, la médecine refuserait de reconnaître ce produit malgré de nombreuses recherches cliniques qui en prouveraient l'efficacité, et ça justement à cause de sa trop grande efficacité qui nuirait aux trusts pharmaceutiques et à la médecine. Quelle en est sa valeur réelle? S'il y en a une, laquelle ou lesquelles? 5,95, le comprimé. Sa valeur réelle. Bon, présentement, il y a de plus en plus certaines formes d'inventions intéressantes qui font partie de la jonction de la peinture entre un monde neuf et un monde vieux, qu'on appelle un monde de suiveux, qu'on appelle aussi un monde de poissons, l'ère pisséenne amenée par le Nazaréen et qui devra se terminer vers l'an 2023. Qui maintenant se confronte en coloration à l'ère aquarienne, l'ère du Verseau. Dans la jonction, il y a évidemment quelques années que le plan matériel a pénétré l'ère du Verseau. Il y a quelques années que le plan vital a pénétré l'ère du Verseau. Un peu moins d'années que le plan astral pénètre l'ère du Verseau. Le plan mental, c'est à peine commencé, ça va se tirer quelques années. Parce que ce n'est pas une pénétration qui se fait du jour au lendemain sur tous les plans. À travers cela, il y a différentes inventions qui naissent, qui ont effectivement de très grands résultats, mais pas dans tous les cas. Pourquoi? Parce que les génétiques, l'humain, la vibration, la psychologie, la qualité de l'âme n'est pas la même chose pour tous. Un individu, à un moment donné, a essayé de faire de l'acier. Et tous les amalgames qu'il mettait dans son fourneau ne fonctionnaient pas. Jusqu'au jour où l'humain était vibratoirement suffisamment capable de faire de l'acier. Alors l'acier, c'est fait. Fusion nucléaire à froid, c'est évident. Certains vont y la réussir, d'autres non. Et comme dans bien des changements scientifiques ou sociaux ou théologiques, à un moment donné, certains le font, d'autres ne le font pas, jusqu'au jour où tout le monde le fera. Dans la médication, c'est la même chose. Alors, effectivement, il a eu des résultats intéressants. C'est pas de sa faute. Mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Une fois qu'on disait, M. Spock, vous réagissez avec désespoir, il répondit, la seule réaction logique dans ce contexte, c'est d'être désespéré. Peut-il être logique dans certains contextes d'être émotif ou si c'est toujours illogique? Dans certains contextes, c'est logique d'être émotif. Si on est entouré d'êtres qui ont besoin que l'on soit émotif. Pourquoi quelqu'un qui a suffisamment étranglé son canal réincarnationnel doit-il encore se mettre un habit? L'habitude tue l'habitude. si c'est lui qui transmute l'habit, pourquoi l'habit? L'onde de forme, quand tous les canaux réincarnationnels seront étranglés, on verra. Est-ce que la pensée, le penseur et l'objet de la pensée sont la même chose? Oui, de l'illusion. Si mon mental m'observe penser, qu'est-ce qui observe mon mental? Non, le mental, si mon mental m'observe, c'est l'ego qui est maintenant informé de l'observation du mental. Autrement dit, qui pose la question actuellement? L'ego. Le mental observe l'ego, mais le mental informe toujours l'ego de ce qu'il voit. Donc, le mental observe l'ego et l'ego dit « Tiens, je m'observe » ou « J'observe l'astral, j'observe l'ego ». C'est l'ego qui vient de parler. Immédiatement, dans un mental plus évolué, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le mental observe l'ego et l'ego se dit « Ah, j'observe l'ego ». Le mental observe ce que ça vient de se dire et l'ego dit « Ah, je viens d'observer ce que je viens de dire ». Et le mental observe encore et l'ego dit « Ah, j'ai observé, d'observer ce que j'observais ». Mais là, je suis encore l'ego. Ah, je le vois, donc c'est encore l'ego, c'est mental. Donc c'est encore l'ego. Et, ah, c'est encore l'ego. C'est encore l'ego. C'est tout l'ego. Parce que le mental, lui, s'en fout. C'est ça. J'ai toujours peur que le pire me tombe sur la tête. Ah, le pire! Ça fait longtemps que c'est fait. Récemment, certains pires m'est effectivement tombé dessus. À présent, je prévois des pires que pires et je suis aussi convaincu qu'ils vont me tomber dessus. Ah, ben tant mieux. Faudrait que je vous connaisse, je pourrais vous alléguer un peu. J'en ai eu un indice aujourd'hui. Comment le fait de penser au pire le fait-il arriver? Dans mon cas, et j'ai beau penser aux millions, lui n'arrive pas. Parce que penser au pire n'attire pas le pire. Si vous gagnez 500 $, pouvez-vous vous illusionner que c'est 1 000 000? Non. Si vous recevez une goutte d'eau sur la cuisse, puis vous pensez que c'est terrible, oui. Alors c'est facile d'attirer le pire. Parce que c'est une question de vision, une question de point de vue. Le million, c'est mathématique. C'est difficile de se leurrer avec ça. Tandis que les conditions de la vie, il y en a qui ont fait faillite bien des fois. Il y en a qui ont même perdu l'usage de leurs 4 membres. Même de leurs 2 yeux. Il y en a même qui fument. Et puis, votre pire est sans doute pas aussi pire. Ah, c'est une vision. Comment ça se fait qu'on voit toujours le pire comme étant évident plus facile? Si tu regardes les analystes économistes, par exemple, ils vont imprimer 22 pages de journal disant qu'on s'en va dans une récession. Si ça va bien, ça va être un demi-paragraphe. Pour la simple raison que quand tu te trompes après avoir prévu le pire, pas grave, hein? Et quand tu te trompes après avoir prévu quelque chose de bon, ça, on te le pardonnera pas. Mais quand on le vit, c'est la même chose. On oublie tous les moments où ça allait bien, puis on se rappelle de la fois où je me suis pris le doigt dans la porte. Ça, je m'en rappelle. Je me suis pris le doigt. Mais les 158 fois que j'ai passé à la porte, ça me prend le doigt. Oui, sauf que c'est ici, c'est qu'il y a aussi un très bon moment, la fois où on a libéré ton doigt de la porte. Mais l'humain vit avec ce qu'il veut vivre. Les situations sont évolutionnaires. Quand un individu reçoit des coups de marteau, c'est quoi le problème? Le marteau, ça brise le cristal, ça forge l'acier. C'est sûr que l'humain se dit tout le temps, oui, mais là, ce qui m'attend, c'est terrible, je crois avoir le sida. Je ne parle pas des sinistres individus dominés par l'astral, je parle du syndrome d'immunodéficience acquise. La personne considère qu'elle a peut-être le sida. C'est ce qui pouvait y arriver de pire. Mais il y en a d'autres qui sont atteints du vieillissement. C'est une question de point de vue. Vous devez considérer votre vie sur un minimum de 500 années. Pas sur 20, 30, 40, 50 ans, un problème par-ci, un problème par-là. Vous n'en sortirez jamais sans cela. Les événements qui sont amenés à l'humain sont des événements parce que l'humain ne comprend pas encore la mécanique qui gère son évolution. Lorsque l'humain commence à la comprendre, il commence à pouvoir la changer. Ça ne se change pas du jour au lendemain. Prends 2-3 jours de plus. Le pire? Non. Moi, j'ai déjà pensé qu'il m'arriverait pire, puis je me suis trompé. J'ai toujours eu pire après. Donc, ce qui m'est arrivé, c'était pas le pire. Puis finalement, le mieux, c'est la même chose. Dans les réincarnations, tantôt qu'on parlait de la réincarnation aristocratique, tu as mentionné un emblème, c'est-à-dire qu'on pourrait porter un écusson ou un emblème familial ou de... C'est pas ce que je dis. J'ai mal compris, mais est-ce que tu as mentionné le mot emblème? Ah oui, j'ai mentionné le mot emblème. Bon, qu'est-ce qu'il venait faire dans... J'ai mentionné le mot chaise aussi, une autre qui part. Qu'est-ce qu'il venait faire dans l'incarnation aristocratique, le mot emblème? Bon, le mot emblème, c'est... On parlait de l'aristocrate qui, à un moment donné, ne peut plus se réincarner dans la famille, se réincarne dans le peuple. À un moment donné, il vient reprendre certaines choses et on va changer l'emblème. L'emblème, c'est la cristallisation égrégorienne, donc c'est l'égrégore. Ça appartient à une famille particulière, ce sont les armoiries familiales. Et c'est donc cet emblème. Et l'emblème, c'est la codification de la mécanique réincarnationnelle, c'est-à-dire que les chrétiens avaient le signe du poisson, la croix. Ces symboles-là, ce sont des symboles qui attirent énormément dans une région particulière d'une tellurie tout ce qui mémoriellement y a été relié. Alors, si je vais à la guerre avec mon armoirie et que je meurs là, la majorité de ce que de moi qui meurs là va être réattirée par n'importe qui aura la même armoirie à un moment donné. Mais si mon armoirie change de pays, l'égrégore changera de pays, elle suit l'armoirie. Lorsque les chrétiens ou lorsque les nations se promènent avec leur drapeau, qui est l'armoirie nationale, lorsque le chrétien s'en va dans un autre pays, Dieu le suit. Mais s'il n'a pas sa croix, s'il n'a pas ses symboles, il se sent ce qu'il est, tout nu. Alors il amène avec lui des condiments ésotériques, des condiments occultes, des condiments religieux, qui vont attirer avec lui une partie de l'égrégore. Alors l'emblème ou l'armoirie familiale, c'est quelque chose comme ça. Que normalement on a sur une bague, sur le sceau, qui peut être légué, qui va être sur le mur en haut du foyer, qui va être bon. Est-ce qu'il y aurait de l'intelligence à former un groupe d'aristocrates qui se créerait une nouvelle emblème, ou est-ce qu'il faudrait utiliser des emblèmes? Non, il y a intelligence à former des aristocrates qui auraient aussi leur propre emblème. Qui serait neuve ou qui serait une ancienne? Qui serait neuve. Et il y aurait intelligence à former des groupements d'aristocrates qui auraient aussi des emblèmes de groupements aristocrates de façon à créer des égrégores neufs. Pour ne pas amener que le vieux, pour amener aussi, pour laisser la porte ouverte au neuf. Mais là, l'emblème neuf, actuellement, il attirerait rien. Il attirerait seulement les prochaines. L'emblème neuf, ce qu'il va faire, c'est qu'il va conserver les énergies de celui qui vit avec l'emblème. À un moment donné, j'ai déjà donné un PMC+, une espèce de séminaire, justement, sur la capacité, sur la faculté de se fabriquer quelque chose de totalement neuf, qui est en vibration avec le nom astral d'un individu, une chose qu'on devait graver sur soit de l'argent, soit de l'or, surtout de l'or, et soit en faire une bague, ce que certains ont fait. Et par la suite, lorsque l'individu vit certaines contraintes astrales, chaque fois qu'il sécrète, au lieu de nourrir le monde de la mort, il nourrit cet égrégore personnel qu'il se donne. À un moment donné de sa vie, lorsqu'il aura besoin d'énergie pour changer radicalement, lorsqu'il sera sur le bord de la falaise, où il pourra tomber dans ce gouffre sans fond, où on se fait pas mal parce qu'il n'y a pas de fond, lorsqu'il sera prêt à changer, à quitter, à muter, il devra détruire l'emblème pour récupérer l'énergie qui est dedans. Comme il devra abandonner tout ce qui est traditionnel chez lui. Ça peut être son vieux linge, sa vieille vaisselle, si, c'est ça. Ta vieille femme, son vieux mari. Oui, mais ça, j'allais le dire, mais ouais. Enfin, son vieux mari, mais enfin, bon. Alors, l'individu, donc, abandonne une peau complètement. L'emblème, il y a beaucoup d'intelligence à se servir encore de la forme. L'individu peut dire, oui, mais c'est de la spiritualité, ceci, c'est cela, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne. Si l'ego est convaincu que ça fonctionne, ça peut aider. Si l'ego est convaincu que ça fonctionne, ça peut nuire. Ça peut nuire, il ne faut pas y en parler. Il faut que le mental sache que ça fonctionne. Quand l'ego est convaincu que ça fonctionne, il met ça d'une façon tellement étendue que finalement, coloré. Ça n'a plus aucun ajustement. Ça. Les symboles qui pourraient composer un emblème, est-ce que ce serait des anciens symboles ésotériques? Non. Tout neuf. Oui. Oui, parce que sinon, on récupère simplement des événements du passé qu'on risque d'obliger à revivre. On risque de faire revivre ces événements-là avec nous. Prends la croix gammée, qui est la symbolique d'ailleurs d'un mouvement qu'on connaît aussi à l'échelle du Canada et un peu partout ailleurs. La croix gammée. On a ésotériquement le chiffre 1 qui est l'actif. On a ce qui suit le 1 qui est le passif. Tu ne peux pas faire une ligne sur un tableau si tu n'as pas fait un point pour commencer. Le point sur la ligne, c'est un triangle, c'est le feu. Et le feu a toujours symbolisé la lumière, donc l'intelligence, l'idée. Et le feu symbolise aussi le résultat du bois, le résultat de ce qu'on appelait l'énergie, le résultat de la terre, le résultat de l'air. Le chiffre 3 symbolise le résultat, l'idée, l'intelligence. Le chiffre 4, c'est les quatre éléments, c'est le carré. Je ne vais pas plus loin pour l'instant. Si on prend le chiffre 4, qui est la boîte, qui est le carré, et qu'on met le triangle dessus, c'est l'idée qui prend forme. C'est le chiffre 7, c'est la création. Le chiffre 7, c'est la création. Quatre chiffres 7, c'est la création par la terre, l'eau, l'air, le feu, par les quatre éléments. Le triangle, c'est le chiffre 3, c'est l'idée. Le triangle à l'envers, c'est l'idée négative. L'idée négative sur le dé positif, c'est la réflexion, c'est le chiffre 6. Le cercle, c'est le point. Le point plus agrandi sur notre octave, c'est la perfection, c'est une forme qui n'y commence ni fin. Si on prend des symboles de la tradition, le cercle, perfection. L'étoile de David, les deux triangles, perfection dans la réflexion. Et la svastika, perfection dans la réflexion pour la création avec les quatre éléments. La croix gammée d'Adolf Hitler, les sept sont tous à l'envers. Destruction par les quatre éléments. Et on ne peut y échapper. Tu veux ramasser des vieux symboles archétypaux, nécessairement les égrégores qui vont venir vont te manipuler lentement et insidieusement vers ce que l'égrégore était avant. Alors, si on prend le symbole bien connu aujourd'hui du cercle, des deux triangles juxtaposés et des quatre sept à l'envers, c'est la perfection dans la réflexion pour détruire par les quatre éléments. Un individu peut dire, « Ah, mais c'est pas ça que ça veut dire. Mange de la marde. Est-ce que ça veut dire que je t'aime? » Ah, ben, non, c'est pas ça que ça veut dire. Ben, le symbole, c'est un langage. Il veut dire perfection dans la réflexion pour détruire avec les quatre éléments. Alors, tu diras ce que tu voudras, que c'est pas ça que ça veut dire, que c'est ceci ou cela. J'ai rencontré un jour un bonhomme qui était bien penché parce qu'il avait le symbole après lui. Et je lui demande qu'est-ce que ça signifie. Ah, il me dit, la personne qui nous l'a amené nous a dit que ça signifiait la paix, ça signifiait... C'est bien beau. C'est bien. C'est comme quand on disait aux Juifs, oui, au bout des voies ferrées, c'est un paradis, c'est des champs pour cultiver. C'était vrai. L'engrais, c'était la cendre des Juifs. Ça, on ne leur disait pas. Mais il n'y a pas moyen d'en faire un symbole qui soit uniquement positif? Non, positif, ça n'existe pas. Positif, ouais. C'est l'heure de l'ego. Positif, c'est quoi positif? Être toujours heureux. C'est pas ça l'idée. L'humain doit être heureux, malheureux, tant qu'il est animal, parce que c'est ça qui transforme le corps physique. Alors, positif, c'est tout ce qu'on a est positif. Je sais pas. Hey, t'as même pas besoin de vouloir évoluer quand t'évolues pareil. J'ai pas utilisé le bon qualificatif. De faire un symbole qui attire des bonnes choses. Des choses correctes. Non. Des choses correctes. Adaptées, écologiques. Oui. Intelligentes. Ajustées. Les mémoires qui ont connu de l'intelligence dans le passé. Il y en a des mémoires comme ça? Oui. Oh, il y en a même suffisamment. Pas autant que le reste, mais il y en a en masse. Ah ben oui, il y a des symboles qu'on peut faire pour attirer ces choses-là. Mais le meilleur symbole, c'est notre corps physique et notre voix. C'est le meilleur symbole. Le symbole l'attire dedans. Ça permet la réincarnation, ça permet la recrudescence de certaines choses. Dans le symbole. L'humain le porte parce que l'énergie vitale de l'humain sert à nourrir le symbole. Il ne faut pas porter le symbole, il faut l'être. Ça. C'est bon. C'est bien. Okay. Bonne semaine. Oh, il y a une conférence mercredi prochain. Oui. Mercredi prochain à la Holiday Inn Sherbrooke. On va y avoir une conférence donc à Montréal mercredi prochain. Le sujet, je ne sais pas. Si ça vous intéresse, eh bien, on va y être. Comment se bâtir un corps d'énergie? Ah, comment se bâtir un corps d'énergie? C'est Chabot qui est Berry. À Montréal, en attendant, ben, prenez-vous au sérieux.